petit bouquet d'azur, où t'en vas-tu d'un pas si sûr? Moi je ne sais plus où je vais, je m'abandonne au vent mauvais. Je vais, je tourne et virevolte, égaré comme la feuille morte. Dans un tourbillon qui m'attire et emporte mes souvenirs. Bouquet d'azur, petite flamme pour nos enfants, je te réclame. Reviens éclairer la nature. Reviens éclairer la nature. Petit bouquet d'azur, tu t'en vas vers un air plus pur. Ici je respire avec gêne, on vient à manquer d'oxygène. On cherche sa respiration au milieu de la pollution. Dans un brouillard gazeux toxique qui pourrait nous rendre amnésiques. Bouquet d'azur, petite flamme pour nos enfants, je te réclame. Reviens éclairer la nature. Reviens éclairer la nature. Petit bouquet d'azur, tu es parti à l'aventure. Crinière au vent vers l'océan, mais où te reverrai-je et quand? Petit bouquet d'azur, reviens enchanter nos masures. Allez, reviens sans faire d'histoire, sans toi nous perdons la mémoire. Bouquet d'azur, petite flamme, pour nos enfants, je te réclame. Reviens éclairer la nature. Reviens éclairer la nature.